Le livre de l'anniversaire par Victor Hugo. 18 février 1838, 1 heure du matin. Hier, ma Juliette, notre bonheur a eu 5 ans. 5 ans. Les 5 plus belles années de notre vie. Comme ces 5 années ont passé vite et comme elles ont été remplies de joie, d'émotions, d'épreuves, de caresses, d'amour. 5 minutes pour la rapidité, 5 siècles. Pour la plénitude. 26 février 1838, 1h30 du matin. Plus on est aimé, plus on aime. La passion qui répond à la nôtre nous l'enfonce au cœur plus avant. L'amour qu'on ressent est le clou. L'amour qu'on inspire est le marteau. Enregistré par Christiane Johan pour audiocité.net.